Vous êtes à l'écoute de Futur Simple avec Valérie Levé et François Grégoire et nous vous proposons d'aller faire un tour à l'UNESCO. L'UNESCO a formulé en 1974 une déclaration sur les chercheurs pour en quelque sorte donner des directives sur ce que devrait être le travail de la recherche. Évidemment, la science et la technologie ont fait des pas de géant depuis 1974. La science et la technologie s'imbriquent de plus en plus dans nos vies quotidiennes et cette déclaration se devait donc d'être révisée. C'est ce qu'a fait l'UNESCO cet automne. Et pour nous dire en quoi consiste cette déclaration, nous recevons Edith Delery, qui est professeure émérite de la faculté de droit à l'Université Laval et aussi présidente sortante de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour Edith. Bonjour. Alors, cette déclaration, en fait, part de certaines prémisses sur les retombées ou les apports potentiels de la science et de la technologie pour l'humanité tout entière. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, nous esquisser, en fait, ces prémisses en fait, finalement, dans l'optique de l'UNESCO, que représente la science, finalement? En fait, pour l'UNESCO, la science, c'est en fait quelque chose qui permet effectivement de faire en sorte que on puisse vivre dans une société meilleure à l'échelle universelle. Donc c'est le bien commun, c'est un bien commun au sens effectivement de patrimoine commun, je dirais, dans une certaine mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait la façon dont elle le formule, parce qu'elle affirme dans son préambule que l'importance de la science comme un bien commun, en disant que les découvertes scientifiques et les innovations et applications technologiques qui y sont liées ouvrent d'immenses perspectives de progrès qui résultent en particulier de l'utilisation la plus efficace de la science et des méthodes scientifiques pour le bien de l'humanité et pour contribuer à la préservation de la paix et à la réduction des tensions internationales. Mais elle reconnaît aussi qu'elles peuvent en même temps présenter certains dangers qui constituent une menace, surtout au cas où les recherches scientifiques seraient utilisées contre les intérêts vitaux de l'humanité, pour la préparation de guerres, de destructions massives, pour l'exploitation d'une nation par une autre, ou au détriment des droits humains, des libertés fondamentales ou de la dignité humaine, et en tout état de cause, poser des problèmes éthiques et juridiques complexes. Donc, elle invite les États à mettre en œuvre des politiques qui à la fois permettent de développer la science, mais un développement qui se fasse dans la perspective d'améliorer en fait le sort de l'humanité, pas seulement dans l'immédiat, mais aussi pour les générations futures. Bon. Et donc, dans ce sens-là, elle dit aux États, mettez en place des mécanismes qui permettent effectivement aux chercheurs de faire leur travail dans des conditions adéquates, mais fait aussi état des responsabilités des chercheurs qui sont afférentes aux droits qu'on leur reconnaît. Voilà, Donc, je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant dans la mesure où, finalement, on parle beaucoup d'économie du savoir dans nos sociétés nord-américaines. Bon, et là, on passe à autre chose, à une société. C'est une société du savoir. Oui, là. Mais c'est différent, moi, je trouve, parce que justement, on parle d'économie du savoir dans la société nord-américaine ou dans nos sociétés, mais là, on parle de l'humanité. Occidentale. Oui, mais c'est là, ça. On parle de l'humanité. Donc, c'est au sens large. C'est ça. Donc, effectivement. Et elle appelle également au partage des connaissances, bon, de manière à faire en sorte que les pays en voie de développement puissent eux aussi accéder, effectivement, aux bienfaits de découvertes scientifiques et aussi former des chercheurs qui pourraient travailler dans l'intérêt de leur propre pays. Parce qu'on parle aussi de l'exode des cerveaux un peu dans cette déclaration-là. Et on dit on devrait faire en sorte que les gens qui viennent étudier des pays en voie de développement dans les pays développés retournent chez eux. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un petit peu le préambule finalement à cette déclaration, un objectif un petit peu que l'ONU, que l'UNESCO donne. Et donc, pour y arriver... La déclaration ensuite se présente comme une suite de recommandations, aussi bien adressées aux chercheurs ou à quelle responsabilité ou à l'éducation. Donc, par exemple, quelles sont les recommandations qui sont faites vis-à-vis des chercheurs? En fait, il y a des recommandations qui sont intéressantes parce qu'elles concernent les chercheurs peut-être pas directement, mais elles concernent leur formation. Ah oui. Bon. Leurs conditions de travail également l'idée de partage. Bon. Donc, au niveau de la formation, il y a des choses qui sont intéressantes parce que ce qu'on souligne, c'est aussi la nécessité de s'ouvrir aux autres disciplines. On parle beaucoup de convergence des disciplines, mais c'est surtout dans le domaine des sciences pures. Bon, c'est le fameux trio bio-info-cognio. Bon, les chimistes travaillent avec les physiciens, et puis les informaticiens avec les biologistes, etc. Mais là, c'est faire appel aussi aux sciences humaines, parce que les sciences humaines sont ici interpellées. Bon, parce que les enjeux du développement des sciences et des technologies, bon, à l'échelle sociétale, bon, font appel à des connaissances comme par exemple la sociologie, bon, la philosophie, l'économie, bon, l'anthropologie. Donc effectivement, ici, là, ce qui est intéressant, c'est que dans la formation, on nous dit, puis là j'essaie de trouver dans quelle page c'est, dans quel article, on nous dit qu'il faut établir des ponts là. Incorporer dans les programmes et cours et entrer aux sciences des éléments interdisciplinaires et d'art et de design, ainsi que des compétences en communication, en direction et en gestion. Incorporer ou développer aussi des dimensions éthiques de la science et de la recherche dans les programmes et les cours. Bon. Et aussi, développer l'aptitude chez les chercheurs à percevoir les incidences civiques et éthiques des problèmes exigeant l'acquisition des connaissances nouvelles et qui, à première vue, peuvent sembler n'avoir qu'un caractère technique. Ah, ensuite, développer la promptitude à entrevoir les conséquences sociales et écologiques probables, possibles des activités de recherche et de développement. Donc, conscience civique, éthique aussi, mais aussi responsabilité environnementale. L'environnement est présent dans tout ça. Le chercheur doit être sensible, effectivement, aux conséquences environnementales des développements des connaissances. Mais à ce moment-là, on peut se poser aussi comment ils vont formuler leur demande de subvention, parce que bien souvent, les projets de recherche sont quand même formulés en fonction des directives qui vont avec les programmes de subvention. Donc, il faut que tout ça, ça vienne de plus haut. Mais c'est-à-dire, c'est ça, d'où la responsabilité des États, de mettre en place des politiques qui reflètent effectivement ces valeurs qui sont au cœur de la recommandation. Donc, ça interpelle les États. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on souligne dans cette déclaration-là qu'elle s'adresse à tous les chercheurs, quel que soit l'emploi qu'ils peuvent exercer, quel que soit leur employeur. Donc, ce qu'on nous dit aussi ici, ben, aux États, de façon indirecte, ben écoutez, sensibiliser les entreprises privées. De manière à ce que les chercheurs qui les emploient soient conscients aussi de leurs responsabilités sociales et travaillent de manière responsable. Et pour le bien de l'humanité. Donc là, il y a, ben évidemment, les États n'ont pas nécessairement de moyens de pression, mais ils peuvent effectivement mettre en place des mécanismes ou des politiques là, qui vont forcer, quelque sorte, les entreprises à faire en sorte que ces recommandations-là prennent effet. Et donc là, on parle de la recherche elle-même, mais aussi si on parle des bienfaits potentiels de la science, il faut aussi qu'on ait tous conscience un petit peu des apports de la science, et donc en quelque sorte faire un peu une promotion de la science, en tout cas éduquer finalement l'ensemble de la population, pas seulement les chercheurs, à la science. Effectivement. Donc ça aussi, c'est un point que... Oui, effectivement. On parle de développer la culture scientifique. Voilà, la culture scientifique. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. On parle aussi du dialogue science-société. Donc ça, c'est important. On parle de la nécessité d'organiser des débats avec la société civile de manière à ce qu'elle puisse participer à l'orientation des politiques scientifiques. On dit les chercheurs, vous devez être là. On dit aussi aux États, vous devez en fait établir vos politiques en fonction des connaissances scientifiques. Là, il y a peut-être un message qui s'adresse à un président qui ne le passera pas. Bon, quand on pense au changement climatique et à la politique de notre voisin du Sud, mais c'est important de dire, écoutez, vous devez asseoir vos politiques à partir des connaissances scientifiques et pas seulement les connaissances scientifiques dans le domaine de la biologie, de l'informatique, etc. Les connaissances scientifiques dans tous les domaines. Donc il y a là quand même un message intéressant là. Mais est-ce qu'en même temps il y a un message aussi à travers ces déclarations pour encourager la culture scientifique au sein de la population pour que tout le monde puisse prendre part à ces débats scientifiques? En fait, on en parle, mais on parle pas des moyens mis en place pour favoriser la culture scientifique. On parle surtout de la formation des chercheurs, de la façon dont effectivement ils doivent être formés. Des responsabilités qui vont avec leur rôle de chercheur, des droits aussi qu'ils doivent avoir parce qu'on cherche aussi à protéger la liberté, l'autonomie de la recherche. et leur donner des conditions idéales et faire en sorte aussi de résorber les inégalités qui peuvent exister entre, par exemple, les hommes et les femmes, parce qu'on sait que dans le domaine des sciences, notamment les sciences fondamentales, les femmes sont moins présentes. Et aussi, les différences entre les pays en voie de développement et les pays occidentaux. Donc, il y a ici des réductions, si vous voulez, des politiques qui viseraient à éviter la discrimination et à trouver un équilibre au niveau de la formation des chercheurs. On parle de l'importance de la culture scientifique, on parle de l'importance d'établir un dialogue science-société, d'organiser des débats. La responsabilité incombe aux États, effectivement, d'organiser ces débats sous une manière ou sous une autre, de mettre en place aussi des mécanismes qui permettent de s'assurer de l'éthique de la recherche, du respect de l'intégrité aussi scientifique, parce que même si l'intégrité scientifique, c'est une dimension de l'éthique, il demeure que, là aussi, on interpelle les États, de cette façon-là. Mais justement, en parlant d'éthique, donc, vous, Madame Delory, en tant que bioéthicienne, vous devez nécessairement scruter comment la déclaration aborde l'éthique en sciences et en technologie. Qu'est-ce qu'elle en dit? Écoutez, d'abord, je viens de faire allusion à la formation des chercheurs. Je pense que, je ne sais pas si je vous avais référé déjà aux articles 14 et 15. On nous dit... Non, c'est ça. Donc, la formation des chercheurs, on parle aussi de l'aspect civique de la recherche scientifique. Et ça m'apparaît intéressant. C'est l'article 16. Attendez, je suis la façon dont il est libellé. Je l'ai sous les yeux, là, pas longtemps. On parle de la responsabilité des États membres de promouvoir des conditions qui permettent d'obtenir une production scientifique de qualité. Et on fait état ici des mécanismes qui devraient être mis en œuvre, dont effectivement dicter les responsabilités des chercheurs. À ce titre-là, on nous dit que les chercheurs doivent chercher à réduire au minimum les effets nocifs sur les sujets vivants de recherche et sur l'environnement naturel et doit être conscient de la nécessité de gérer des ressources de manière responsable. On nous dit aussi qu'ils doivent contribuer de façon constructive à la science, à la culture, à l'éducation et à la promotion de la science et de l'innovation dans leur propre pays ainsi qu'à la réalisation des objectifs nationaux, à l'amélioration du bien-être de leurs compatriotes, à la protection de l'environnement et à la réalisation des idéaux et des objectifs internationaux. Ça rejoint ce que je vous ai dit précédemment, mais on insiste beaucoup sur le développement d'une science dans l'intérêt de l'humanité, du bien commun, une perspective internationale et qui tienne compte de tous les éléments qui peuvent avoir effectivement un impact sur le développement humain. Mais justement, donc on parle, parce que c'était dit un petit peu en préambule, en prémisse, on parle de la science qui peut apporter des bienfaits finalement à l'humanité, mais en veillant à faire attention aux débordements qui pourraient entraîner la guerre, etc. Donc c'est vrai qu'ils sont plus des applications de la science. Donc est-ce que quelque part il est dit, parce que les chercheurs vont faire des développements scientifiques, acquérir des connaissances scientifiques, et des fois il va y avoir une utilisation néfaste par d'autres personnes, peut-être même pas forcément par les chercheurs. Donc est-ce que quelque part cet aspect-là est pris en compte d'évaluer finalement les dérives de la science? Oui, effectivement. Ils demandent effectivement que soient mis en place des comités d'éthique qui fassent l'évaluation des politiques scientifiques et des projets de recherche non seulement la recherche avec des êtres humains mais la recherche tout court d'autant plus qu'ici, ils font bien la distinction entre recherche appliquée, recherche innovation, tout est couvert. C'est beaucoup plus que la recherche biomédicale. Oui. Parce qu'on le voit bien avec la commission de l'éthique en sciences et en technologie, justement, qui ne parle pas juste de la greffe d'organes, qui aborde ces problèmes-là, mais on l'a bien vu aussi de l'intelligence artificielle, des villes intelligentes, du trading haute fréquence, donc toutes ces choses dont on a déjà parlé. Tout à fait. Des applications. D'ailleurs, c'est ça, je rappellerai que c'est quand même unique au Canada, cette commission-là, parce que même à l'échelle internationale, on a des comités d'éthique ou de bioéthique, mais c'est surtout la recherche en sciences de la vie qui est visée. Donc, c'est la bioéthique. Alors que des organismes comme le Nuffield Council, qui lui est un organisme privé, non pas un organisme gouvernemental, couvre effectivement un spectre beaucoup plus large. À l'exemple de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Mais là, ça fait appel effectivement à des comités élargis. C'est plus ça. Seulement les comités de bioéthique, là. C'est en sciences et technologie. Exactement. Ça, ouais. Parce que finalement, développer des programmes guerriers, c'est pas forcément issu de la recherche en biologie. Non, ça pourrait venir d'autres, ça pourrait venir de l'intelligence artificielle, par exemple. Mais ça pourrait venir des États eux-mêmes, qui mettent en place des politiques scientifiques en vue, effectivement, de créer des arsenaux là, destructeurs. On pense aux robots, les drones, etc. Exactement. Ouais. Donc, en fait, vous en avez aussi, vous l'avez aussi évoqué en tout début, l'UNESCO s'intéresse forcément au bien de l'humanité, on parle du monde. Donc, il y a un volet international aussi à travers cette... Vous avez parlé de l'exode des chercheurs, de l'exode des cerveaux. Donc, comment elle prend en considération ces problèmes-là pour que finalement la science soit partagée à l'ensemble des chercheurs de la planète et qu'effectivement, on veut accueillir des étudiants étrangers dans nos universités, mais ce serait bien qu'ils fassent profiter effectivement de leurs connaissances chez eux, là où il y en a besoin. Ben, on encourage des partenariats, d'une part, parce qu'il faut permettre effectivement que dans ces pays en voie de développement, la recherche scientifique se développe elle aussi. Bon. Donc, des partenariats. On encourage également la mise en place d'universités virtuelles qui éviteraient de déplacements éventuellement. Donc, avec le danger que les gens, une fois ici, restent et ne retournent pas chez eux. Bon. On encourage, bien sûr, l'open access. Pour le résultat, l'accès aux données, etc. De manière effectivement à favoriser le partage des connaissances et faire en sorte que dans les pays en voie de développement, ils puissent en bénéficier. Bon. Donc, il y a ces éléments-là. Et aussi le fait, lorsque les chercheurs vont à l'étranger, effectivement, qu'ils participent à des projets de recherche qui sont dans l'intérêt, effectivement, des pays ou des communautés à l'intérieur desquelles les projets se déroulent. Idéalement, il faudrait peut-être que ces projets-là soient développés par les gens dans leur communauté eux-mêmes. C'est l'idée, effectivement, de pouvoir former des chercheurs au sein, effectivement, des universités qu'elles soient nord-américaines, par exemple, ou européennes, mais qui puissent effectivement retourner chez eux et d'établir des politiques qui leur permettent de retourner aussi. Je me demande aussi, finalement, si c'est pas... si on parle un petit peu avec la main... en tout cas, le côté droit et le côté gauche de la bouche, parce qu'on dit... on est toujours très intéressé à recevoir des étudiants dans nos universités, parce que c'est une ressource financière quand même pour les universités. Et on est aussi intéressé à les garder parce que c'est des gens formés qui vont participer à le renouvellement de la population. Et là, finalement, on se dit, ce serait peut-être bien aussi éthiquement ou dans le bien de l'humanité de leur permettre de retourner chez eux. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, on a comme un discours ambigu là-dessus. Oui. La déclaration promeut, c'est la mobilité des chercheurs, parce que c'est important effectivement que les chercheurs puissent circuler. Il faut aussi prendre en compte que aujourd'hui la recherche se fait de plus en plus en équipe, et non plus seulement à l'échelle locale, entendu provinciale ou même canadienne, mais à l'échelle internationale. Donc ici, il faut favoriser effectivement les échanges, et faire en sorte que ces échanges-là puissent profiter à tous. Donc nos chercheurs ici, comme les chercheurs de là-bas. Donc ça, c'est de mettre en place des politiques de partenariat. Ça peut demander peut-être des accords bilatéraux ou multilatéraux entre les pays concernés. Est-ce que, finalement, quelle peut être la portée d'une telle déclaration? Parce que finalement, là, ça a été signé dans le cadre d'une assemblée. Ça a été adopté par l'Assemblée générale là, en novembre 2017. C'est la révision de la déclaration de 1974 qui était plus du tout adaptée, à la façon dont elle était vraiment obsolète. Donc ça a été adopté, cette recommandation-là. Je pense que c'est quand même, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose d'intéressant parce qu'on passe de l'économie du savoir à une société du savoir, et ça je pense qu'elle le met très bien en exergue qu'elle fait appel aussi à la responsabilité des chercheurs tout en effectivement faisant en sorte que leurs droits soient respectés, qu'ils puissent travailler dans des conditions adéquates que au niveau de leur formation ils reçoivent une formation adéquate et même formation continue parce qu'effectivement dans le cas du développement des sciences c'est toujours continu. continue. Bon. Et donc, c'est l'équilibre entre droit et responsabilité aussi qui est intéressant. Et responsabilité, là, dans une perspective très large. C'est pas seulement les conséquences dans l'immédiat, mais c'est les conséquences, effectivement, à une échelle beaucoup plus large. Bon, quand on parle des générations futures, quand on parle de l'écosystème, quand on parle de développement durable, etc., on fait appel à toutes ces notions-là. Donc là, c'est important, c'est intéressant de ce côté-là. Ben, c'est ça, ça a une portée théorique assez importante, mais je me demande de quelle façon est-ce que les États vont la reprendre. Est-ce que finalement cette déclaration est restée au sein de l'UNESCO ou est-ce qu'elle est diffusée au sein des États? Est-ce que ça va redescendre jusqu'au... Oui, ça va redescendre au sein des États parce que bon, il y a des représentants des États qui siègent. Ouais, bon, ouais. Il y en a qui ont participé effectivement aux discussions entourant la déclaration, là, enfin la rédaction plutôt de cette recommandation, je veux dire. Donc, il faut espérer effectivement qu'elle ait un impact. Évidemment, c'est une recommandation, c'est pas une déclaration. Non plus, c'est pas un traité. Hein, bon, soyons bien conscients là. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui m'apparaît important. C'est sûr qu'il y a des éléments qui sont déjà présents au sein de certains États. Hein. Si on regarde le Québec, par exemple, le Canada, il y a quand même des éléments qui ont été mis en place dans les politiques. Là, bon. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, ce qui manque peut-être un peu chez nous, c'est par rapport à la formation des chercheurs. Je parlais tout à l'heure de l'interdisciplinarité, du fait effectivement que on a des couloirs, mais on a des silos. Hein. Bon. Donc, il faudrait qu'il y ait une interpénétration, là, en fait. Bon, qu'il y ait un peu plus de sciences pures dans les sciences humaines et de sciences humaines dans les sciences pures. Hein. Bon. Ouais, ouais. Et donc, il faut effectivement faciliter ça et c'est pas encore le... On se gargarise beaucoup de multidisciplinarité par contre dans les universités, mais c'est plus la juxtaposition de connaissances que l'intégration des connaissances. Puis il faut arriver à ça. Ouais. Si on veut vraiment avoir une perspective là, qui embrasse la totalité des problèmes, là, je pense qu'il faut arriver à ça. Oui, puis comme vous le disiez, il y a une interdisciplinarité des domaines de recherche, mais c'est souvent les sciences naturelles et génie à l'intérieur d'entre elles, c'est peut-être ça. Les sciences humaines à l'intérieur d'entre elles, mais il manque ce grand viaduc. Ouais. Il y a des ponts, il manque les grands viaducs, c'est ça, effectivement. Donc, je pense que là, on a un effort à faire de ce côté-là, effectivement. On a un effort à faire aussi, bon, dans la mesure où il faut quand même, on parle de culture scientifique, c'est essentiel. Il est essentiel que le public soit éduqué. Qu'on ait beaucoup plus d'informations qui soient véhiculées, la science vulgarisée et bien vulgarisée, bon. De manière effectivement à ce que effectivement les citoyens puissent participer d'abord au niveau de discussion qui présiderait à l'élaboration des politiques scientifiques, bon, et puis effectivement débattre des enjeux que ça peut soulever, parce qu'il y a effectivement des questions qui peuvent se soulever qui sont des choix de société, et il faut en débattre là. Et pour en débattre, mais écoutez, il faut qu'ils soient informés. Bon. Voilà, exactement. Et peut-être une petite question, j'espère qu'elle ne sera pas piège pour la dernière minute qui nous reste, parce que je me demande si les considérations éthiques sont les mêmes dans le monde. Là, on parle de bienfaits de la science, des bienfaits que la science peut apporter à l'humanité entière. On regarde les aspects, il faut s'intéresser aux aspects éthiques, etc. Mais je me demande si, dans le monde, on peut avoir un regard éthique partagé. Grande question, c'est effectivement une question piège, là. Bon, ce serait effectivement l'idéal. Il faut espérer qu'on puisse arriver à ça. Mais écoutez, on a un contexte géopolitique qui fait que, bon, on peut se poser des questions. Quand on parle de paix, là, on voit effectivement, bon, que c'est pas le cas. Bon. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, bon, on ne développe pas la science dans le but de promouvoir effectivement les conflits armés. Bon. Ni dans la perspective, effectivement, de nécessairement les gagner par la force des armes techniques. Bon. Mais c'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire. Bon. Mais si on commençait à regarder dans notre propre jardin, bon, ça serait déjà une première chose. Ouais. Bon. Par ailleurs, il y a des pays en voie de développement avec lesquels on peut travailler, je pense, et qu'on peut aider très sérieusement. Et en les aidant, ben, peut-être que ça va essayer de permettre d'aplanir certaines tensions. Bon. Alors, il faut avoir d'espoir. Oui, alors on va en avoir, justement. Donc, on va espérer que cette déclaration sur la recherche, sur les chercheurs, donc qui a été signée, c'est une recommandation. Hein. Oui, c'est ça, c'est des recommandations. Sur la recherche. On va espérer que ça descend de l'UNESCO, oui. Dans les pays membres de l'UNESCO, dans nos gouvernements, jusque dans nos institutions de recherche. Tout à fait. Et dans les entreprises privées aussi. Oui, et dans les entreprises privées. Pas l'oublier, ça. Exactement. Merci beaucoup, Edith, de nous avoir relayé cette déclaration de l'UNESCO sur les chercheurs. Donc, je rappelle que vous êtes professeure émérite de la faculté de droit à l'Université Laval et présidente sortante de la commission de la science et de l'éthique en sciences et en technologie.